Section 87 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Narrateur, lu par Sonia. Monsieur Fréchaud, lu par Sophie France. Madame Fréchaud, lu par Christiane Jehanne. Madame Cambournac, lu par Cocotte. L'apprenti, lu par Yannick Loiseau. L'embaumeur, lu par Rémy. La lecture, tome 7e, section 87. Le rôtisseur dans l'embarras, par Eugène Chavette. Scène première, Monsieur et Madame Fréchaud. La scène se passe le lundi gras dans l'arrière-boutique de Monsieur Fréchaud, le plus fort rôtisseur de son arrondissement. Ce digne commerçant est en train de compulser son grand livre. Monsieur Fréchaud, lisant d'un ton larmoyant. En 1887, la recette s'élevait à 4512 francs et 20% de bénéfices montent à 900 francs. Madame Fréchaud, avec un sanglot. Quel malheur! Monsieur Fréchaud, d'une voix lugubre. Faisons maintenant le compte de 1888. 518, voix grâce à 5 francs, 2590 francs. 244 poulets à 3 francs, 732. 225 dindes à 6 francs. 1350, 192 pigeons à 2 francs. 384, 5056 francs. En ne tenant pas compte de la vente des abattis qui couvrent nos frais du jour, les 20% accusent un bénéfice net de 1000 francs. Fatalité, fatalité! Madame Fréchaud, que la douleur fait bégayer. Oh, la moyenne par année est donc de 950 francs. Ah, affreuse catastrophe! Monsieur Fréchaud, avec désespoir. La Providence s'est détournée de nous. Les deux époux pleurent en silence. Scène 2. Les mêmes. Madame Cambournac. Madame Cambournac, entrant. Que vois-je? Madame Fréchaud, de l'eau plein les yeux? Vous voulez donc y élever des poissons rouges? Oh, Madame Cambournac, ignorez-vous le malheur qui nous tombe dessus? Vous savez bien, le vieux cousin qui vivait avec nous. Oui, ce vieux sans âge est si laid que les juments pleines détournaient la tête. Eh bien? Défunt? Pour toujours? Comment, vrai? Il est mort? Et pourquoi? Exprès, alors? Un caprice! Hier, tout doucement, au moment où le gazier tintait pour éteindre le gaz. Il a fait comme ça. Puis, moi je croyais qu'il avait trop mangé. Pas du tout, il rendait son âme. Oh, le pauvre cher homme! Maintenant, faut être juste et dire que, depuis l'âge de 20 ans, il était privé de toutes les joies de ce monde. Il était eunuque? Non, il était sourd. Ben, ça ne le gênait pas pour son état de dentiste. Ça ne fait rien, je comprends que vous le pleuriez. Madame Fréchaud, avec un profond étonnement. Oh, mais vous n'y êtes pas, Madame Cambournac. Les 1500 livres de rente qu'il nous laisse nous empêchent de le regretter. Vous n'y êtes pas. Pleurant. Ce n'est pas ça. Quoi donc, alors? Il est parti hier, dimanche gras. Aujourd'hui, les formalités ont lieu et il faudra l'enterrer demain, mardi gras. Comprenez-vous maintenant, Madame Cambournac? Mardi gras, c'est-à-dire le meilleur jour de l'année pour notre commerce. Une recette forcée. Il faudra fermer la boutique, Clore le four, arrêter la broche. Avec désespoir. Ah, le ciel est sévère pour nous. Un jour, qui depuis 6 ans, nous donnait un bénéfice moyen de 1 000 francs. Et notez bien que j'oublie exprès l'an 1883, où notre concurrent du Carrefour, le matin même, eut le bonheur de se pendre, ce qui nous a donné une recette exceptionnelle que je n'espère plus, car c'est une de ces chances qui ne se représente pas 2 fois dans la vie d'un homme. Oui, mais nous payons bien ça aujourd'hui. Toutes nos provisions étaient faites, sans parler des vieux rôtis de la boutique, qui patientaient toujours avec l'espoir de partir au Mardi Gras. Nous voici jusqu'à Pâques, avec 1200 volailles sur le dos qui n'hésiteront pas à se défraîchir. Si on demandait à retarder la cérémonie jusqu'à mercredi. J'ai envoyé l'apprenti chez l'autorité. Malheureusement, on refusera. Le pauvre cousin se dépêche trop. Avec regret. Il avait bien raison, le pauvre cher homme. Quand depuis 30 ans, il nous disait que rien ne se conservait dans sa chambre. Scène 3. Les mêmes. L'apprenti. Patron, l'autorité a dit qu'il fallait agir sans délai. Les deux époux, avec désespoir. 1 000 francs perdus. Monsieur Fréchaud, avec sincérité. Je ne suis pas un prodigue, moi. Mais je donnerais bien de grand cœur 900 francs pour sauver le reste, même 950 francs. Madame Cambournac, s'écriant. Ah ah, il me vient une idée. Laquelle? Si on l'embaumait, comme ça, il pourrait temporiser cet homme. Et on n'aurait rien à dire. Monsieur Fréchaud, avec élan de cœur. Oh, Madame Cambournac, vous êtes la manne qui nous tombe du ciel. À l'apprenti. Ne fais qu'un saut chez l'embaumeur. L'apprenti prend sa course. Scène 4. Les mêmes, moins l'apprenti. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous coûter? Je ne sais pas au juste, mais ça ne dépassera pas 300 francs. 300 francs? Ça me paraît cher. Vous offriez tout à l'heure 900 et 950 francs. Je ne dis pas le contraire, mais je ne suis pas prodigue. Je le répète, et 300 francs, ça me paraît beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Ah, dites donc, vous! Je donne mon idée, moi. Je ne gagne pas dessus. Je le sais, Madame Cambournac. Seulement, il n'est pas défendu d'aller à l'économie, n'est-ce pas? Au fait, je suis bien bonne. Faites-en ce que vous voudrez de votre parent. Je m'en bats l'œil. Pourquoi ne le mettez-vous pas tout de suite dans l'huile, comme les sardines, ou dans la graisse d'oie? Ça conserve aussi. Pendant que vous y êtes, Monsieur Fréchaud, employez le procédé pour conserver les légumes qu'on fait sécher au four. J'y pensais à l'instant, mais si nous travaillons, nous aurons besoin de notre four. Madame Cambournac, avec ironie. C'est fort malheureux, ma foi, car sans ça, vous empochiez vos fameux 300 francs. Il me semble, Hector, que madame vous a indiqué un prix raisonnable. Toi, Eudoxie, tu ferais mieux de te taire. Elle a dit 300 francs au hasard. Comme elle aurait tout aussi bien dit 200, elle n'en connaît pas plus que nous là-dessus. Ça n'en coûte peut-être que 50, qu'en sais-tu? Avant de jeter l'argent par les fenêtres, au moins faut-il se rendre compte. Il n'y a pas de loi qui empêche de compter, il me semble. L'apprenti, accourant. Patron, voilà le salaire. Entrée de l'embaumeur qui apporte son matériel. Scène 5. Les mêmes. L'embaumeur. C'est bien ici qu'on a réclamé mes soins pour un sujet à perpétuer. À Fréchaud. Monsieur est le parent? Oui, docteur. Je voudrais savoir ce que... Monsieur, nous avons d'abord l'embaumement historique pour souverain. Il est accompagné de procès-verbaux sur parchemin et de monnaies aux millésimes qui suivent le corps. Il se fait avec solennité, en présence de nombreux et notables témoins. Les instruments injecteurs sont en argent. Son prix est de 20 000 francs. Ce n'est pas là, sans vous offenser, votre affaire. Nous avons ensuite l'embaumement d'étagères, pour souverain de petits duchés et riches particuliers. Il est très demandé par les étrangers. Le sujet est préparé avec soin et placé sous un châssis en verre, et peut rester ainsi exposé dans la galerie des ancêtres de son château, en ayant soin toutefois de lui éviter le soleil et les variations trop subites de température. Ce travail est du prix de 3 000 francs. Ces deux manières de procéder forment le genre grandiose. Moi, je voudrais du petit-diose. Nous avons alors le travail fait en vue de l'inhumation. Il peut conserver 3 siècles et plus. Moi, je garantis la conservation et j'engage ma signature. C'est l'embaumement de confiance, du prix de 1 000 francs. 300 ans, songez-y. Ce genre vous plaît-il ? Oui, si vous en donnez au détail, je vous en demanderai pour 10 francs. Attendu qu'il me faut un tout petit embaumement provisoire de 3 jours. L'embaumeur avec raideur. Je n'opère pas pour moins d'un an, et alors je prends 100 francs. Je m'adresserai à un autre. L'embaumeur avec ironie. Je n'avais qu'un collègue, je l'ai embaumé ce matin. Vous décidez-vous pour 100 francs? C'est trop cher pour mes moyens. Madame Fréchaud bat à son mari. Vois-tu, Hector, à vouloir trop gagner, tu nous feras tout perdre. Monsieur Fréchaud bat. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Oh! Docteur, c'est votre dernier prix? L'embaumeur qui se dirige vers la porte. Oui, 100 francs. À un prix plus bas, j'y perds. Surtout si vous tenez à avoir de l'acétate d'alumine. Mais je n'y tiens pas le moins du monde. L'embaumeur revenant. Alors, si vous voulez bien vous contenter de simples injections d'eau, d'alun, de sel et de nitre, je puis vous passer le tout à 70 francs. Tenez, docteur, moi, je suis rond en affaires. Topez-la pour 50 francs et ce marché conclu. Partageons la poire à 60 francs. Non, 50 francs, je n'ai qu'une parole. Alors, adieu, je ne travaille pas à perte. Madame Fréchaud bat à son mari. Ajoute les 10 francs ou nous allons perdre la recette. Monsieur Fréchaud, entêté. Je te répète de te mêler de ceux qui te regardent. Écoute, Hector, depuis 8 ans, tu promets toujours de me faire voir le courrier de Lyon. Donne les 10 francs à monsieur et je te tiens quitte du courrier. Tu t'y engages devant madame Cambournac? Je te le jure. Allons, je fais ce que tu veux. À l'apprenti. Conduis monsieur là-haut. Eh, il ne touche pas au sucrier. Scène 6. Les mêmes, moins l'embaumeur et l'apprenti. C'était un sacrifice à faire, mais notre recette de demain est sauvée. Après tout, le cousin nous laisse 1 500 francs de rente. Nous devions nous montrer bons parents. Comme ça, mercredi, à tête reposée, nous le conduirons à Montmartre. Madame Cambournac avec un bond de surprise. De quoi? À Montmartre? Est-ce que vous allez maintenant le mettre à Montmartre? Pourquoi pas? Vous allez le planter là, dans un terrain où tout s'abîme? Portez-moi le donc au Père Lachaise. À la bonne heure, voilà un cimetière qui conserve. Tout le monde vous le dira. Au fait, vous avez raison. Quand on a dépensé de l'argent, on n'est pas fâché d'en profiter. Vous m'ouvrez l'œil et j'aviserai. Il est bien longtemps là-haut, le docteur. Tant mieux. Voyez-vous, il est nouveau dans le quartier. Il sait que, connaissant beaucoup de monde, nous pouvons lui procurer une jolie clientèle. Je suis sûr qu'il va se piquer d'amour-propre et que, sans nous le dire, il va nous fourrer de son fameux acétate d'alumine qui est si cher. Oh, comme tu connais les hommes! Monsieur Fréchaud, tout joyeux. Une chose qui me console, c'est que nous avons été au meilleur marché possible. On voit bien que vous êtes de Normandie. Scène 7. Tous les personnages. C'est fini. Les deux époux avec désespoir. Pauvre cousin. C'est 60 francs que vous me devez. Les voici. Avec un sourire. Avouez que vous êtes heureux d'avoir affaire à un honnête homme. Car enfin, je ne vous avais pas signé de papier. Fin de la section 87.